Amis humains, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative, deuxième partie. La découverte de la finitude. Ce que Camus nomme absurde n'est autre que la finitude. L'existence qui est séparée du tout est située dans l'horizon d'une temporalité fermée. Mais pourquoi la finitude ne pourrait-elle pas se révéler simplement comme finie? Pourquoi le fait que l'existence soit finie est avant tout quelque chose d'absurde, contre lequel il faut se révolter? Le monde n'a pas de sens, mais il n'a pas non plus besoin de sens. Le monde est. L'homme, en revanche, seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est, a un irrépressible besoin de faire en sorte que le monde ne soit pas ce qu'il est, c'est-à-dire, littéralement, insensé. Sa nature est contre nature, puisqu'elle le porte à demander des comptes à la réalité. Mais cette demande de sens repose sur l'abîme qui sépare les désirs de l'homme de la mesure dans laquelle le monde peut les satisfaire. Ou plutôt ne peut les satisfaire. L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. L'homme, rappelle Camus, désire le bonheur et la raison. Au premier désir, celui du bonheur, s'oppose sa condition d'étranger dans l'ordre du temps. L'absurde est essentiellement un divorce. Je sais ce que veut l'homme, je sais ce que lui offre le monde. Le bonheur est identifié à la capacité à se soustraire à la séparation, à retrouver l'unité, à se fondre dans la totalité, à mettre fin à l'exil. Il ne s'agit pas ici, notons-le, de remarques psychologiques, d'humeur adolescente. Une grande part de la pensée occidentale de la caverne de Platon à l'oubli de l'être de Heidegger, en passant par la phénoménologie de Hegel, ne fait que raconter la même histoire, celle de l'exil de la totalité et du retour vers elle, une histoire d'aliénation. L'homme, donc, est fini, mais il est capable de penser l'infini, et surtout de le désirer. Au cœur de la condition humaine s'ouvre une déchirure constitutive, je puis donc dire que l'absurde n'est pas dans l'homme, ni dans le monde, mais dans leur présence commune. La racine de l'absurde est à chercher dans la démesure du désir humain, dans cette volonté que le monde soit fait pour l'homme, à son image et à sa ressemblance. Voilà la tentation récurrente, pourquoi vivre si je ne suis pas Dieu? Insolent appétit d'absolu, de familiarité avec la totalité du monde et l'éternité. Voilà les couleurs du désir humain de bonheur qui se déploient dans toutes les fresques métaphysiques. Ou bien tout posséder, ou bien appartenir au tout. Participer au tout, n'avoir pas d'existence séparée, puisqu'être un individu, c'est être insensé. Le bonheur sera donc celui de ne pas naître, de ne pas se séparer de la mère. Ou bien, si l'on est, de participer à l'omnipotence de Dieu ou de l'un de ses ersatz. Partager la puissance de l'espèce, au lieu de vivre dans les limites de l'individu. Les traditions religieuses, millénaires et impossibles à éradiquer, témoignent d'ailleurs de ce que l'homme trouve insupportable de reconnaître sa finitude dans un monde insensé. Mais que l'on prenne garde. Leurs témoignages réhabilitent d'une certaine manière l'existence sans interrogation, l'existence dans l'habitude, le « on » heideggerien, qui est en réalité l'existence acritique qui précède le soudain éveil de la conscience à l'absurde. L'habitude est en effet la finitude de l'existence qui parvient à se distraire, qui essaie de ne pas y penser, de ne pas se penser, c'est-à-dire de ne penser ni la froide objectivité du monde, ni la séparation constitutive et irrémédiable de l'individu par rapport à l'infini et à l'éternel. L'opacité de l'habitude fonctionne donc comme une mise à distance préventive qui permet de ne pas regarder en face l'horreur de la finitude. Les traditions religieuses rejoignent en cela la métaphysique. Car l'absurde naît de la demande de sens. Pour s'en débarrasser et rendre à l'homme l'illusion que l'univers est fait pour lui, il faut annihiler cette demande elle-même. On peut y parvenir en l'empêchant de faire surface, en l'étouffant dans l'opacité de l'habitude, ou bien en l'écrasant sous la joie de la réponse, dans l'aveuglante splendeur de la vérité. Souvent, ces deux mécanismes vont de pair, ils se renforcent l'un l'autre. Ils ont d'ailleurs le même objectif, distraire et consoler les hommes de leur finitude. Ainsi, une fois que la religion et la métaphysique auront répondu, l'existence pourra se fondre dans l'habitude, légitimement, noblement, car à présent elle sait que toute curiosité est satisfaite d'avance. La culture qui nie la finitude se marie parfaitement avec l'opacité de l'habitude, puisque toutes deux elles maintiennent à distance l'inquiétude de la curiosité critique. L'univers du sacré s'accorde parfaitement et se confond avec l'horizon opaque de l'habitude. L'authenticité réside dès lors dans la fidélité à la finitude, qui préserve la dimension d'interrogation, qui désenchante le monde et le démantèle en tant que demeure destinée, qui réfute les illusions de plénitude du temps. Contre cette possibilité de l'authenticité, l'homme est travaillé par sa pulsion d'unité, qui lui fait refuser de se détacher du tout, de se reconnaître comme un fragment fini et insensé. La volonté de puissance devient une volonté impérieuse de ne pas être un individu. Selon qu'il privilégie le passé ou l'avenir, le désir de totalité s'engouffrera alors dans la voie, souvent circulaire, de la nostalgie ou de la prophétie. Parce que l'esprit désire et le monde déçoit, l'homme fini ne renoncera pas à l'infini mais le déplacera dans d'autres temps et dans d'autres mondes, terre promise ou paradis perdu, Jérusalem céleste ou humanité à venir où pâlit la frontière entre essence et existence. Fin de la deuxième partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.